Chapitre 19. Le fauve. Ophélie avait déjà eu l'occasion de visiter une loge de diva à l'opéra familial du Pôle. Celle où elle fut conduite de force avec Blasius ne lui ressemblait en rien. On ne trouvait ici ni velours, ni tapis, ni miroir, ni garde-robe. En revanche, il y avait un impressionnant équipement de radiocommunication et, épinglés au mur, des plans détaillés de chacune des arches mineures composant la cité de Babel. D'un mouvement de pistolet, l'enfant désigna tranquillement une banquette où Blasius et Ophélie s'assirent sans se faire prier. Pour un petit garçon aux pieds sales, il avait des manières persuasives. « Mon papa sera à vous quand il aura terminé son discours. Ça peut prendre du temps. Il a du mal à s'arrêter une fois lancé. Je vous mets la radio pour patienter. » L'enfant tourna le bouton d'un poste qui diffusa aussitôt la musique pompeuse d'une marche symphonique. Il sifflota en chœur et agita son pistolet à la façon d'une baguette d'orchestre. « Je suis so sorry, » chuchota Blasius en louchant sur l'arme à feu comme quelqu'un qui en aurait vu une pour la première fois. « Ma malchance a encore frappé. »« En fait, » dit Ophélie, « je crois que nous avons été plus imprudents que malchanceux. C'est moi qui vous présente mes excuses pour vous avoir entraîné dans cette histoire. » Elle se mit à réfléchir intensément. Comment les sortir indemnes de ce traquenard? Ils se trouvaient quelque part dans des sous-sols labyrinthiques et ils étaient tenus en joue par un enfant. Une tentative de fuite s'annonçait compliquée. Ophélie observa la loge avec une attention redoublée. L'équipement de radiocommunication et les plans au mur semblaient avoir été agencés ici à la hâte. Ce n'était pas un endroit occupé depuis longtemps. Elle remarqua des photographies sépia posées sur le tableau de bord de radiocommunication. Sur la plus vieille et la plus pâle d'entre toutes, un couple de jeunes femmes s'enlaçait, cigare en bouche et verre à la main. Ophélie repoussa le foulard de son turban pour être certaine qu'elle voyait bien. L'une des deux portait une robe à pois au mauvais goût absolument inimitable, la mère Hildegarde. C'était incroyable de la retrouver ici, à Babel, dans une version spectaculairement rajeunie et embellie, et ça confirmait l'intuition qui avait saisi Ophélie en voyant l'enseigne en forme d'orange du café-théâtre. « Ah !» dit soudain l'enfant en cessant de siffler. « Voici mon papa et son garde du corps. » La porte de la loge venait effectivement de s'ouvrir sur le sans-peur et presque sans reproche. Il épongeait son visage ruisselant comme si son passage sur scène l'avait épuisé. Le gigantisme du tigre à dents de sabre qui l'accompagnait était celui d'une bête. C'était à se demander par quel miracle un tel animal parvint à passer le cadre de la porte. Avec un garde du corps pareil, cet homme pouvait en effet se permettre de n'avoir peur de rien ni de personne. Le sans-peur fit signe à son fauve de s'asseoir et à son fils de quitter les lieux. Il se pencha ensuite sur le poste qui diffusait encore sa marche symphonique. Ophélie crut qu'il allait l'éteindre afin qu'il pût parler, mais au lieu de cela, il augmenta le volume et prit place sur le poste comme s'il s'agissait d'un siège. Il posa un index sur sa bouche pour intimer à chacun de se taire et de se concentrer sur la musique. Ophélie avait vécu des situations peu banales au cours de sa vie. Écouter la radio dans la même pièce qu'un tigre à dents de sabre y figurerait désormais en bonne place. Un long moment s'écoula ainsi, surnaturel, quand soudain le poste de radio eut un raté et répéta deux fois le même passage musical. Le sans-peur tourna aussitôt le bouton pour couper le son, à croire que c'était cela qu'il attendait depuis le début. « Les échos sont des phénomènes really fascinants. » dit-il avec un accent babélien très prononcé. « Nos scientifiques sont capables d'illuminer des villes et d'envoyer des hommes dans le ciel, et il n'y en a pas un seul, vous m'entendez, qui ait jamais été fichu d'expliquer cette fantaisie-là de la nature. Depuis que je me suis lancé dans l'art délicat de la radiopiraterie, j'en ai connu des retours d'ondes comme celui que vous venez d'entendre. Au début, je trouvais ça « really pénible », mais j'ai fini par me passionner pour la question. » La voix du sans-peur était d'une telle ampleur que même sans hausser le ton, on aurait dit qu'il rugissait à chaque phrase. Ophélie se demanda, non sans appréhension, où il voulait en venir. J'ai mené tout un tas d'expériences sur les échos, poursuivit-il imperturbablement. Avez-vous déjà observé des images dédoublées sur une photographie? Avez-vous déjà entendu vos propres paroles revenir en boucle dans un combiné téléphonique? Moi, oui. Un nombre incalculable de fois. Et je n'ai pourtant jamais été en mesure de comprendre ce qu'était un écho et quelles conditions le provoquaient. J'ai cependant fait une découverte really intéressante. Il avait pris le ton de la confidence, mais sa voix, impropre au chuchotement, se propageait absolument partout. Depuis quelques années, la fréquence de ces phénomènes a augmenté de façon exponentielle. Il y a de plus en plus d'échos, de plus en plus souvent, dans de plus en plus d'endroits. Cela vous intéresserait-il de connaître ma conclusion à ce sujet? Ophélie hocha la tête avec raideur. En vérité, elle avait toutes les peines du monde à suivre le discours du sans-peur. La banquette était agitée par les tremblements de Blasius qui ne parvenait pas à détourner les yeux du tigre à dents de sabre. Si elle avait peur, lui était terrorisé. J'en ai déduit que c'était l'univers entier qui essayait de nous faire passer un message, déclara le sans-peur avec emphase. Un message vital, un message urgent. Il se tapota alors la tempe d'un geste théâtral et prit une voix terrible. Pense par toi-même, petit homme stupide, au lieu de répéter bêtement ce que tu entends. Sa gorge libéra alors un rire qui se répercuta à travers toutes les catacombes environnantes. Ophélie était subjuguée. Comment un corps aussi chétif pouvait-il produire une telle explosion sonore? L'instant suivant, le sans-peur avait retrouvé son sérieux et scrutait ses deux invités sans la moindre amicalité. Lully, animiste au 8e degré, récemment admise au conservatoire de la bonne famille en tant qu'apprentie avant-coureuse, articula-t-il du bout des lèvres. Blasius, olfactif de 3e classe, commis au Memorial de Bubble, enchaîna-t-il. Ne me demandez pas comment je le sais. La seule question qui mérite d'être posée ici et maintenant est « Que font deux agneaux tels que vous dans l'antre des fauves ?» Joignant le geste à la parole, le sans-peur appuya une main sur l'énorme tête du tigre. Le puissant ronronnement qui s'ensuivit fit prendre aux joues de Blasius la même coloration poivre que ses cheveux. Ophélie n'en est pas large non plus. Le fauve était d'une envergure si peu adaptée aux dimensions de la loge qu'elle se voyait contrainte de replier ses pieds sous la banquette pour ne pas lui écraser la queue. Elle passa en revue toutes les réponses possibles qui s'offraient à elle, mais aucune ne lui parut judicieuse. « J'ai moi aussi connu la mère Hildegarde. » Le sans-peur sourcilla à peine. « Really? Ce nom est supposé m'évoquer quelque chose. » Ophélie eut un regard pour les photographies qui s'alignaient sur la console de radiocommunication. Avait-elle fait fausse route? Les oranges et la robe à pois étaient-elles de simples coïncidences? Un battement de paupières plus tard, elle comprit en quoi consistait son erreur. Peut-être pas celui-ci, mais c'est ainsi qu'elle se faisait appeler, là où je l'ai rencontrée. Meredith Hildegarde. Son véritable nom devait avoir une sonorité plus arcadienne. Elle avait trois marottes, l'architecture, les cigares et les oranges. Dona Mercedes Imelda, une femme remarquable. Le sans-peur avait prononcé ces mots sans état d'âme, mais sans hésitation non plus. Il tendit le bras vers son tableau de bord et attrapa l'un des cadres. Cette jeune lady à côté de Dona Imelda, dit-il en posant son doigt sur l'autre femme, c'est mon arrière-grand-mère. Je l'ai trop peu connue à mon goût, mais elle a marqué mon enfance. Elle était, comme Doña Imelda, un esprit libre, tel qu'on n'en voit plus. Il faut admettre qu'on savait encore rire en ce temps-là. Il y avait déjà des rabat-joie pour vous apprendre à causer correct et à marcher droit, mais pas comme aujourd'hui. Pas comme aujourd'hui. Il remit le cadre à sa place, puis il enfonça son regard pénétrant dans les lunettes d'Ophélie. Mon arrière-grand-mère nous a quittés il y a un demi-siècle. À un âge really avancé. Je me permets donc de douter que tu aies connu Doña Imelda en personne, petit Agnel. Ophélie serra les poings. Je vous concède que je suis petite, mais je ne suis certainement pas une Agnel. Écoutez, insista-t-elle en voyant le sans-peur se fendre d'un sourire ironique. La mère Hildegarde était sans doute une très vieille dame, mais elle avait une santé de fer et un mental d'acier. Elle serait même encore en vie si elle n'avait pas... Ophélie ne réussit pas à le dire. Ce corps aspiré par le fond de sa poche, la dislocation des membres, le craquement des vertèbres, il lui était impossible d'évoquer ce souvenir-là sans se nouer. Ce fut son émotion, plus encore que ses paroles, qui parut décider le sans-peur à ravaler sa lippe sceptique. « Sais-tu pourquoi l'orange est un fruit really important ?» Elle ne s'était pas attendue à cette question-là. « Il guérit du scorbut ?»« C'est une très ancienne légende, » dit le sans-peur en croisant les jambes sur son poste radiophonique. « Je la tiens de mon arrière-grand-mère qui la tenait elle-même de ses lointains ancêtres. Cette histoire raconte que les anges vivaient dans les jardins de la connaissance pendant que les humains se terraient dans les grottes obscures de l'ignorance. » Il en a été ainsi des millénaires durant. Un jour, cependant, un homme, ou une femme, selon la version de l'histoire, s'est introduit par accident dans les jardins de la connaissance. Un pauvre rustre, égaré et affamé. Il a vu des pommes d'or. Il en a cueilli une. À peine a-t-il croqué dedans que son esprit s'est ouvert. Il a soudain pris conscience de son ignorance, de l'ignorance dans laquelle étaient maintenus tous ses semblables. Il a volé d'autres pommes d'or, les a distribuées aux hommes et ensemble. Ils sont sortis des grottes de l'ignorance pour découvrir le monde. Les pommes d'or, reprit le sans-peur après avoir observé une longue pause dramatique. « C'est le nom que donnaient nos ancêtres aux oranges. Voilà pourquoi c'est un fruit really important. Voilà pourquoi des gens comme Doña Imelda et moi-même en avons fait notre signe de ralliement. C'est le symbole de tous ceux qui veulent s'affranchir de l'ignorance où on nous maintient de force. De toi à moi, miss, je ne vois aucune différence entre les anges de la légende et les lords de luxe. » Il avait craché ce dernier mot avec une telle aversion que son tigre retroussa les babines et poussa un feulement qui fit tomber Blasius de la banquette. Ophélie se demanda dans quelle mesure le sans-peur était au courant de l'existence de Dieu, comme l'avait été la mère Hildegarde. La question faillit lui échapper lorsqu'elle se rappela soudain pourquoi elle était là. Il n'y avait rien, absolument rien de ce qui se disait en ce moment même dans cette loge qu'elle ne pourrait cacher à Médiana si celle-ci décidait de fouiller sa mémoire. D'un geste décidé, elle débobina le turban qui lui dissimulait le visage et regarda le sans-peur bien en face. « Vous vouliez connaître la raison de notre présence dans votre café-théâtre. La vérité, c'est qu'on m'a demandé d'y traîner les yeux et les oreilles. » Je vous donne ma parole que M. Blasius n'a rien à voir là-dedans. Je vous propose donc d'arrêter là les confidences et de repartir, chacun de notre côté. En fait, ajouta Ophélie après réflexion, vous devriez chercher une nouvelle adresse pour votre café-théâtre. Le Sempeur la considéra un long moment en silence, assis à califourchon sur le poste de radio, puis il renversa la tête en arrière et poussa un hurlement de rire. Tous les verres des cadres éclatèrent en morceaux. « Il n'était pas venu à l'esprit qu'il serait really plus simple de lâcher mon tigre sur vous. Je suis le Sempeur et presque sans reproche. D'où vient le presque, à ton avis ?»« Mais je croyais la mairie de garde, Donia Imelda, » balbutia Ophélie. « Sérieusement, tu t'attendais à quoi ?» Que je t'ouvre les bras en m'exclamant « Les amis de mes amis sont mes amis !» Grandis un peu, petite !» Le Sempeur avait perdu toute sa bonhomie. Il toisait Ophélie avec un mépris qu'il ne cherchait pas à dissimuler. À cet instant, il n'était plus le grand agitateur de foule à la voix de ténor. Il n'était pas non plus un petit homme dégarni à l'apparence insignifiante. Il était un troisième individu complètement différent. Un fauve qui avait fait de la peur son allié. Il tira d'une poche intérieure de sa tunique des billets de son café-théâtre. « Vous êtes venu jusqu'à moi parce que je l'ai bien voulu. J'espérais quelqu'un d'autre à dire vrai. Ta charmante camarade, par exemple, Miss Mediana. En voilà une qui est incapable de se mêler de ses petites affaires, pas vrai ? Elle a la prédation dans le sang. Si elle devait un jour intégrer les rangs de luxe, elle ferait pour moi une adversaire redoutable. » Le Sempeur observa un silence durant lequel Ophélie eut tout le loisir d'entendre son cœur et celui de Blasius battre la chamade. « Dans une heure, » reprit-il, « tout aura disparu. L'enseigne, les tables, la scène, le matériel de ma loge. Pas parce que tu me l'as conseillé, petite, mais parce que c'est mon mode de vie. Les sous-sols de Babel offrent des possibilités infinies et c'est moi, seulement moi, qui décide où je vais et qui vient me voir. » Le Sempeur se mit debout et son tigre l'imita dans un musculeux remous de fourrure. « Je ne vous tuerai pas. Je ne m'attaque pas aux agneaux. Seuls les fauves m'intéressent. Contentez-vous de transmettre le message suivant à Miss Mediana. » Il baissa la voix jusqu'à la réduire à la sonorité d'un orage lointain. « Qui sème le vent récolte la dent.